Exercice 4, page 167. Bras, cri, drôle, frère, gris, vrai. Bleu, clé, fleur, glace, plage, pluie. Libre, sucre, tendre, offre, tigre, maître. Sable, oncle, boucle, gifle, règle, peuple. Abri, écrire, Cédric, après, maîtresse, avril. Oubli, bouclé, soufflé, déplace, emploi, complet.